comfortable home become a cold, dank crypt within the Hammer House of Horror. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Vous êtes bien ce mardi soir d'automne, à cette fin de mois d'octobre. Vous êtes bien sur la bonne radio, sur la bonne fréquence, sur la bonne station, avec Stéphane qui vous accueille dans l'heure du loup. Et pour commencer cette émission de saison, dirais-je, puisque ce sera une playlist consacrée à Halloween ce soir, à laquelle je vous invite à l'occasion du week-end un petit peu sinistre, gentiment funèbre, qui s'annonce en fin de semaine. Et pour commencer, disais-je, c'était un groupe horror punk que j'aime bien, un groupe de Liverpool qui s'appelle Zombina and the Skeletons, avec le titre The Grave and Beyond. Parce que contrairement à mon habitude, je ne vous invite pas à atteindre le septième ciel, mais je vais plutôt vous inviter à aller six pieds sous terre, voire au-delà, dans la tombe. Et même au-delà, c'était un petit peu le thème, l'objet du morceau qu'on vient d'écouter, The Grave and Beyond. Et on va continuer un petit peu dans le même style musical et toujours dans le même thème, avec un autre groupe de psychobilly, celui-là, Messerschoops, et le titre Die Nacht von offenen Graben, la nuit des cercueils ouverts. Thank you. Oh, yes, sweet mystery. I'd like to use this plump little morsel of a mortal to stuff a pillow. Je crois que j'arriverai pas à faire un rire aussi strident, mais qu'est-ce que c'était bien fait. À l'instant, c'était Messerschoups, un groupe de psychobilly qui, comme leur style musical ne l'indique pas, ne sont pas des États-Unis. En fait, ce sont des Russes de Saint-Pétersbourg. Et une femme, un clone de Betty Page et un gars un peu sinistre, un duo qui en fait se produit sur scène depuis une bonne quinzaine d'années. Je les avais vus à l'Aquaba, à Châteauneuf-de-Gadagne, près d'Avignon, il y a quelques années, et c'était assez sympa sur scène. Et là, on vient d'écouter le titre Die Nacht von offenen Graben, ce qui signifie donc la nuit des cercueils ouverts. Donc je vous laisse présager, imaginer ce que ça laisse présager plutôt. C'est un extrait de l'album Iéna Safari qui était sorti en 2005. Soyez les bienvenus mes petits loups dans cette émission, cette playlist spéciale Halloween. Ce soir d'ailleurs je serais tenté de dire bonsoir mes petits loups garous, bruns ou blonds d'ailleurs, mes petites momies dont l'élégance des bandelettes n'a d'égal que celle du PQ, mes petites sorcières coincées avec un balai dans le cul ou libidineuses avec des filtres d'amour concocté on ne sait comment, mes petites vampires, d'ailleurs si vous êtes des vampires femelles de sexe féminin, je vous invite à me sauter au cou quand vous voulez, ou bien encore mes ghouls qui ressemblent un petit peu à des ados boutonneux avec des pustules purulentes et des furoncles au cul, enfin bref, vous l'aurez compris, ce soir Osmose Radio c'est encore mieux que Scooby-Doo, c'est un vrai petit musée des horreurs, une galerie des petits monstres, et ce sera évidemment tout ça pour la playlist, mais aussi puisque comme je vous le disais en introduction, ce week-end sera gentiment sinistre, un petit peu spooky comme disent les anglo-saxons. Eh bien, avec donc la célébration d'Halloween samedi et la Toussaint le lendemain, voire le Dia de los Muertos le 2 novembre, on aura l'occasion d'y revenir. Eh bien donc tout ça s'enchaîne et comme chaque année, c'est relativement sympa, même si évidemment Halloween n'est pas une tradition par chez nous. Autant se faire plaisir, au moins en musique, en abordant ce thème. Là, voilà les amis. Et puisque, bon, moi je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas des enfants qui sont venus taper à ma porte pour me demander des bonbons. Il y avait eu une botte comme ça où les gamins se passaient le mot dans les cours d'école pour racketter les gens gentiment avec ça. Et puis bon, manifestement, la mode est passée. Ça fait quelques années que j'ai pas vu des gamins à ma porte, disais-je. Parfois, les enfants, justement, déjà par nature, les enfants, c'est des petits monstres. Et bien justement, c'est l'objet du morceau avec lequel on va continuer. New Days Delay avec le titre Tiny Monsters. We'll be right back. Je profite que c'est une belle soirée d'automne pour faire en sorte que vous ayez les feuilles mortes, chers amis. À l'instant, c'était du punk suédois avec le groupe The Hives et le titre Abracadaver. C'est un extrait de l'album Tyrannosaurus Hives qui était sorti en 2004. C'était enchaîné juste avant avec un groupe allemand, lui, tout aussi énergique mais peut-être un petit peu plus posé, on va dire. Et c'était le titre Tiny Monsters and Furry Little Creatures. Histoire de faire une petite référence hein, aux sales bestioles qui parfois viennent à votre porte pour vous racketter des bonbons. Enfin, des sales bestioles ou des enfants, c'est vous qui voyez. En parlant justement de célébrer ou pas Halloween ce week-end, en tout cas de se faire plaisir avec des sorties sympas pour ces dernières belles soirées de l'année, avec des températures assez agréables, et notamment pas très très loin d'Aix-en-Provence, pas très très loin d'Avignon, à peu près à mi-chemin je dirais, et j'aurai l'occasion notamment, oups, si j'y arrive, voilà, c'est une sorcière, elle m'a jeté un sortilège, je recommence, j'aurai l'occasion d'interviewer la sorcière qui organise cette soirée-là. Ce sera donc samedi et vendredi, et une sorcière, un shabbat, un samedi, vous me direz, c'est tout à fait logique. Donc tout ça, ce sera en seconde partie d'émission. Pour le moment, je continue dans ma playlist de saison sur le thème d'Halloween ce soir, sur Osmos Radio, dans l'heure du loup, les amis. Et quelque chose qu'avec le thème d'Halloween, c'est souvent les films d'horreur ou les films d'épouvante qui prennent ce contexte-là pour le scénario, etc. Eh bien, un spectacle d'horreur ou un film d'épouvante, on appelle souvent ça... un creep show aux États-Unis, sachant que creep, c'est un petit peu les frissons qu'on a dans le dos, les sueurs froides, autrement dit. Et justement, c'est un petit peu l'objet avec lequel on va continuer. Un titre d'un groupe que j'aime bien, un groupe de métal qui nous vient de Bordeaux, des jeunes gens assez sympas, lire avec le titre Creep Show. Thank you. honey. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. Et c'est pour qui les cafés? Chut. Putain, on est en train d'enregistrer là. Oh là, je suis pas ta bonne. Ouais, ta gueule. Ouais, la tienne avant la mienne. Ouais, ta gueule toi-même. Oh, ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Mais oui, t'étais où pendant le film, toi? Ah mais non, parce que je fais ça à mi-temps, moi. C'est pas un full-time job, ouais. Donc c'est pour ça que je suis un peu trop... Ouais, mais enfin bon, quand même, tu devrais un petit peu t'intéresser. Oui, tout à l'heure, je vous parlais des films d'épouvante, sachant qu'ils sont pour la plupart américains et japonais, mais je tenais quand même à vous rappeler avec cette petite extrait de La Cité de la Peur que nous aussi, en France, on sait faire des films d'épouvante. Bon, peut-être pas très crédibles, mais quand même, le cœur y est. Un instant, chers amis, on vient d'écouter deux morceaux enchaînés. Tout d'abord, Lire avec le titre Creepshow, c'est un extrait de l'album Duka qu'ils avaient sorti en 2007. Un groupe un peu métal et après un groupe plus électro-indus avec les Russes de Stedkraut et le titre Trick or Threat. Trick or treat, vous savez, c'est ce que disent les enfants justement pour en revenir à eux quand ils vont racketter des bonbons le soir d'Halloween dans le quartier. Et en fait, ça signifie soit vous nous donnez des bonbons, soit vous jetez un sort sur votre maison. Et en l'occurrence, là, ils ont un petit peu modifié l'orthographe sur cet extrait de l'album We Had a Carnival qui était sorti en 2012. En fait, ils avaient écrit trick or treat, ce qui signifie une menace en fait. Donc voilà, c'est un son un petit peu plus agressif pour un morceau dont le nom a été manipulé pour être tout aussi agressif, lui aussi, voire au moins menaçant. Soyez les bienvenus, chers amis, si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sûr Osmose Radio, vous êtes dans l'heure du loup, on est mardi soir, il est 19h30 et quelques brouettes passées, et on est dans une playlist Halloween ce soir pour le week-end sympa qui s'annonce, et pour lequel j'aurai l'occasion donc d'interviewer une organisatrice de soirée à quelque chose d'assez sympa tout à l'heure. Mais pour le moment, on parlait de trick or treat, donc c'est un gimmick qu'utilisent les enfants aux États-Unis pendant cette période-là. C'est aussi le gimmick qui revient dans un morceau de Siouxsie and the Banshees qui était sorti sur l'album Juju en 1981, et on va écouter tout de suite le titre Halloween. I wear my sun. Rosetta Stone avec le titre The Witch. Rosetta Stone, référence évidemment à la pierre de Rosette qu'avait découvert Champollion, avec lequel il avait interprété les hiéroglyphes égyptiens, et donc un symbole à connotation un petit peu mystique. C'était pour le nom de ce groupe de rock gothique des années 80 en Grande-Bretagne, et c'est enchaîné juste avant avec Siouxsie and the Banshees, un groupe tout aussi britannique et à peu près de la même période, avec le titre Halloween. Et tout à l'heure je vous disais qu'on avait interviewé justement l'organisatrice de l'événement dont je vous parlais tout à l'heure. On vient d'écouter un morceau qui s'appelle The Witch, et justement je reçois Marie Morgan Witch. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous organisez donc, comme je le disais tout à l'heure, à Cazan, c'est à la limite du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, c'est pas très très loin d'Avignon, pas très très loin d'Aix, c'est pas très très loin de Pertuis, et vous organisez un événement qui s'appelle Creepy Land, vendredi 30 et samedi 31. Alors comment s'est passée l'organisation de cet événement, comment vous est venue l'idée de faire ça en fait? Alors, on a déjà organisé des événements Halloween dans un autre château, et cette année, on fait notre Halloween indépendant. C'est pour ça qu'on l'a nommé Creepy Land, dans cette commanderie des Taillades, où on a déjà organisé un événement en mai dernier en accueillant Trobar des Mortets. Donc l'endroit se prête absolument bien à ce qu'on veut faire, et il est assez grand, pas trop grand, il est bien placé dans la forêt, donc très mystique, c'est parfait. Oui, effectivement, parce que le lieu est tout à fait singulier et se prête tout à fait à ce genre d'événement. La commanderie des Taillades, c'est un bâtiment qui date de la fin du Moyen-Âge, si j'ai bien compris. Oui, c'est une commanderie templière de base. D'accord. Et donc, avant, vous étiez au château de la Barbenne, voilà. Pas très très loin, mais effectivement, c'était peut-être un petit peu plus contraignant. Voilà, exactement. Là, on est en totale liberté, puisque c'est nous qui organisons tout, et c'est nous qui faisons les spectacles en intérieur et en extérieur. En extérieur, notamment en été, puisque c'est la belle saison des fêtes médiévales, mais vous n'êtes pas en reste tout au long de l'année. Alors, parlons un petit peu de vous et de votre association qui s'appelle l'Ordre des Corbeaux. Quand est-ce que vous avez créé ce groupement de créatures étranges que vous présidez? Alors, au départ, il n'y avait que Marie Morganwitch, la conteuse, c'est-à-dire moi, en 2009. Et à partir de 2010-2011, j'ai agrandi avec cet Ordre des Corbeaux pour accentuer un peu plus le côté spectacle de rue, donc avec des danseurs, des cracheurs de feu, danseuses de feu, etc. Et là, ça fait à peu près 3 ans que je tourne avec à peu près les mêmes corbeaux, mais ça vole, ça va, ça vient. Mais on a une équipe soudée, et on fait de plus gros spectacles, et on anime chaque fois avec des spectacles nouveaux. Chaque année, on change, les contes changent, les spectacles de feu changent. Donc on a un grand panel de spectacles à proposer. Sachant que vous n'êtes pas une compagnie à proprement parler, vous restez sous une forme associative, et du coup c'est plus ou moins une affaire de rencontre, une affaire de copains, et donc des spectacles en perpétuelle évolution, si je comprends bien. Voilà, exactement. Et là, l'année prochaine, on change un petit peu puisqu'on va faire partie du festival Off d'Avignon, de chez vous, pendant 3 semaines, pour un concept un peu différent, puisque ça sera des poésies, danse, avec accompagnement au violon électrique. Et on aura l'occasion évidemment d'en reparler sur Osmose Radio le moment venu. Mais voilà. Pour le moment, restons dans l'immédiat et dans ce que vous nous préparez pour ce week-end, à savoir donc ces soirées, Creepy Land, le vendredi 30 et samedi 31, à la commanderie des Taillades, comme vous nous disiez, à Cazan. Alors, comme l'endroit est très sympathique, mais quoi qu'un avec une place, une capacité limitée, vous organisez différentes entrées dans le lieu, et donc il faut s'inscrire, c'est peut-être même réservé à l'occasion, et il y a différents tableaux. Expliquez-nous un petit peu le principe de la soirée et le fonctionnement, s'il vous plaît. Voilà, alors il y a 4 entrées, 16h, 18h, 20h, 22h, pour des groupes de 50 personnes à peu près, parce qu'on veut, on fait des groupes en intimité pour passer en fait à peu près 2 heures avec l'ensemble de la compagnie. Donc en extérieur, pour ceux qui viennent avant, pour ceux qui attendront, donc il y aura la petite restauration avec camion à pizza, camion à crêpes, des tables, des chaises, un cimetière avec son gardien. Donc ça, c'est une première surprise, bien sûr la décoration. Et aux heures dites, le château s'ouvrira donc pour le groupe en question, et là il y aura plusieurs accueils, donc l'accueil avec un scientifique fou parce qu'il a trop étudié l'occultisme. Ensuite, il y aura ça fait passeur. Voilà, il y aura un passeur des morts pour faire l'entrée dans le château. Donc, dans le château, il y aura des places assises pour 5 scènes théâtralisées, donc qui sont nommées Invocation, Naissance, Transformation, Les poupées malsaines et Possession. Donc, excusez-moi, mais quelque part, ça reprend un petit peu le cheminement de l'alchimie, donc de la transformation alchimique, ou peut-être que je fais un rapprochement Ça correspond à peu près, malgré quelques petites erreurs, oui. Et en fait, ça va crescendo aussi, surtout dans la peur, parce qu'on voudrait vraiment faire un Halloween de peur, de frisson. Donc, on va jouer sur son et lumière. Et donc voilà, donc le début c'est la sorcière avec sa potion, donc ça reste encore, et puis jusqu'à la possession où là c'est un peu plus effroyable. Voilà, donc après les 5 scènes, le public sera guidé vers le bar très gothique de cette commanderie magnifique, où une boisson chaude sera offerte pour se remettre de ses émotions. Et ensuite, le public sera conduit en extérieur dans la cour du château, où là, il pourra donc voir le spectacle de feu qui se nomme le Sabbat des sorcières. C'est Kat, donc la reine des ténèbres, qui arrive. Elle va ouvrir les portes de l'enfer et du monde réel, en fait, afin de faire venir les esprits. Donc, il y aura des danses de sorcières, le démon cracheur de feu. C'est un spectacle qui dure à peu près une demi-heure. Et ensuite, et on a un double appel en direct, décidément. Non, n'en dites pas trop, pardonnez-moi, n'en dites pas trop pour garder un petit peu de suspense, mais c'est vrai que c'est tout ça, vous m'avez déjà mis l'eau à la bouche avec tout ce programme. Alors donc, la commanderie des Taillades à Kazan, quelque chose aussi qui m'intrigue, c'est que tout travail mérite salaire, et je pense que ça vous a demandé quand même pas mal de préparation de faire tout ça. D'après ce que j'ai compris, vous êtes depuis un an dessus, voire un peu plus, et finalement, le prix d'entrée sera relativement modique, j'ai l'impression. Oui, c'est le prix d'entrée à 12 euros. Par contre, il n'y a pas c'est un tarif unique, parce qu'on estime que c'est quand même une soirée festive pour les gens. Il ne faut pas non plus que ça leur coûte trop. On a un stand support Marie Morganucci, l'Ordre des Corbeaux, en extérieur aussi, avec des créations faites à la main par tous les membres de la compagnie, pour les gens qui veulent aider la compagnie, justement, avec des articles de 2 à 5 euros, pareil. Donc ça, c'est au bon vouloir des gens pour aider la compagnie. Mais le spectacle se doit d'être relativement peu cher, parce que le but, c'est de faire venir le monde, voir ce que l'on peut proposer, notre propre organisation, et c'est le but. Et bien, en tout cas, c'est une bien belle initiative dont j'avais envie de parler un petit peu. Merci Marie-Morgane d'avoir participé à l'émission, de nous avoir un petit peu éclairé sur ce projet-là. J'invite donc les gens à se renseigner, évidemment. Je mettrai des liens pour en savoir un petit peu plus sur Internet, sur le site d'Osmose Radio, ainsi que sur Facebook. Merci Marie-Morgane de nous avoir parlé de ça. Et puis, on vous attend à Avignon l'été prochain pour voir votre spectacle, les contes, les cracheurs de feu, les danseuses, etc., etc., et tous les gens de votre compagnie et vous-même. Bien entendu, merci. Puisque vous parliez de Trobar des Mortais tout à l'heure, un groupe que vous aviez fait venir de Barcelone jusqu'en Provence au mois de mai, au printemps, eh bien, on va écouter justement un hommage de Trobar des Mortais, ce groupe de musique médiévale que j'aime bien, à la fête qui a précédé Halloween, en fait, à savoir Shamaine, la fête celtique de Shamaine. Je vous propose d'écouter tout de suite le titre de Trobar des Mortais, Shamaine. de la nuit, tu me dors. Au fond de la nuit, tu t'agites, tu cries. Au fond de la nuit, tu as peur. Au fond de ton cœur, tu sais bien que c'est moi qui t'appelle, qui te veut, qui te prend, qui t'adore. Il y a si longtemps, tu te donnais à moi. Il y a si longtemps, tu disais m'aimer pour l'éternité. Toi, tu as porté mon deuil un temps, puis il a fallu que la vie continue. Mais au fond de toi, tu as peur, car tu sais que tu ne m'as pas survécu. Tu m'appelles, tu me veux, tu me prends, tu m'adores, tu me hais, tu m'en veux, tu rouvres ma blessure. Jusqu'à l'infini, ton sang sera le mien. Jusqu'à l'infini, tu m'appartiendras pour l'éternité. Jusqu'à l'infini, je te croirai la vie. Jusqu'à l'infini, je te posséderai pour l'éternité. Jusqu'à l'infini, je te croirai la vie. Jusqu'à l'infini, pour l'éternité. L'appel de la succube qu'on vient d'écouter à l'instant, c'était un titre de la chanteuse Robert. Et c'est enchaîné juste avant avec une autre voix féminine, mais espagnole, celle-ci, Trobar de Morte, avec le titre Chamaine. Alors je peux vous faire évidemment l'insulte hein, de vous définir Chamaine. Vous savez que c'est la fête celtique qui précédait Halloween, que les immigrés irlandais ont emmené dans leur bagage avec eux aux États-Unis. Puis bon, ils ont pu creuser des navets, ils ont creusé des citrouilles, etc., etc. Enfin bref, vous connaissez le topo. Et Robert, eh bien, en fait, dans ce titre, l'appel de la succube. Alors la succube, ça par contre, on se souvient pas tous de ce que c'est. Ce sont des esprits malins, des esprits féminins en l'occurrence. Les incubes, ce sont les esprits masculins, et les succubes, ce sont les esprits féminins. Des mauvais génies en fait, qui viennent dans vos rêves pour vous pomper votre énergie pendant que vous dormez. Voilà. Et en fait, ce texte, les paroles, c'était un texte d'Amélie Nothomb, l'écrivain belge, que Robert avait adapté en musique. Et Amélie Nothomb, donc l'écrivain belge, et justement, ben, j'ai appris que, il y a un moins d'un an, en fait, j'ai appris qu'en Belgique, ils avaient une tradition très très proche d'Halloween, qui était encore relativement vivace dans certains coins de Belgique, certains coins de Flandre ou du Pays Wallon d'ailleurs. Quoique ça ne tombe pas tout à fait à la même date. Et les enfants, là aussi, creusent tantôt des pommes de terre, tantôt des navets. En fait, ce qu'ils ont sous la main. Et c'est par contre, c'est pas pour la fête des morts ni la Toussaint, c'est. Joli pléonasme. C'est pas pour le 31 ni le 1er octobre ni le 1er novembre, mais c'est pour la Saint-Martin. C'est-à-dire le 11 novembre que les enfants vont dans le quartier et demandent des gâteaux, des sucreries à leurs voisins. Voilà, il suffit de savoir que ça existe et que cette tradition donc a une certaine pérennité et qu'elle existait largement, largement avant l'invasion yankee de nos domaines culturels et de nos supermarchés. J'ai levé le poing en disant ça, je sais pas ce qui m'arrive. C'est mon côté Jean-Luc Mélenchon. Bref, on va aller tout de suite vers des choses un petit peu différentes. On arrive vers la fin de l'émission et je vous parlais de bande originale de film tout à l'heure à l'occasion donc de certains morceaux qu'on a écoutés. Et évidemment, on a tous un film d'épouvante auquel on est particulièrement attaché. Je crois qu'on est nombreux à avoir beaucoup aimé le Halloween de John Carpenter qui était sorti en 1978. John Carpenter d'ailleurs qui compose lui-même les musiques de ses films pour la plupart. Et je vous propose d'écouter les versions originales de ce titre, Halloween. On était tellement sous le trip à parler du film Halloween qu'on a loupé la fin, ou alors c'est le diable qui s'est invité dans le studio et il a pris possession de mon technicien préféré, Abel. Qu'est-ce que tu fais avec cette hache? Pose ça tout de suite. Ah, ça va trancher, chérie. Enfin bref, voilà, donc on arrive à la fin de l'émission, les amis. J'espère que cette playlist consacrée au thème d'Halloween vous aura plu ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 3 novembre, pour une émission un petit peu sur le même thème, mais réinterprétée différemment, c'est-à-dire que je ferai une playlist consacrée au Mexique et au Día de los Muertos, qui est en fait l'Halloween mexicain. Pour résumer les choses ainsi, je vous en dirai plus évidemment la semaine prochaine. Voilà les amis, pour nous quitter, on va rester dans les musiques de films d'horreur, et donc je parlais de Satan qui a pris possession de mon technicien préféré, et bien il va falloir que je l'exorcise ce garçon, et c'est pour ça qu'on va écouter de la musique du film L'Exorciste, un film de William Friedkin qui était sorti en 1973, qui avait repris un thème composé par Mike Oldfield, le fameux Tubular Bells, avec lequel on va se quitter les amis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, des cauchemars que je vous aurais suggérés, j'espère que ça ne va pas trop vous empêcher de profiter du magnifique week-end d'automne qui s'annonce. À la semaine prochaine, bisous, salut.